Le comité suisse-corée et le cercle suisse d'études des statuts jetés ont publié en commun une déclaration en signe de soutien à la déclaration du comité préparatoire du Nord pour la conférence conjointe des partis politiques, organisations et personnalités du Nord, du Sud et d'Outre-mer pour la paix et la réunification indépendante de la péninsule coréenne.